rap salabro. Yeah. Souvent les nerfs parlent plus fort que la raison. Chante ce millénaire et je pars en rafale de métaphores sur les ondes. Je suis des coins où les anges disparaissent sous des linceuls. Rien ne change, mes raps sont toujours des caresses, des poings dans la gueule. Je mange le mic sur son barrière, la prod sature. C'est pour les microbes, Marianne en gode ceinture. En live du commissariat, baise la jeunesse comme une femme cougar. Quartier disciplinaire, couleur coccyte et brown sugar. Les dingues, je viens soulever aux coulures, je m'abonne. J'ai retrouvé le flingue à Renault dans les égouts du top album. Coincé entre la hache de Trust et la guitare à Brassens. Parce que la soumission fait du lap dance, ça plein temps, ça rappe et la peur revient charbonner. Quand se voit le printemps arabe et les fleurs que ça a donné. Jusqu'à l'échelle du bise, y'a plus rien de marquant, une vise. Comme si j'avais giflé BHL avec un exemplaire de Mein Kampf. À quand le bordel, y'a trop d'amour sans vaseline. J'ai la défaite dans le viseur, planqué dans la tour voisine. Graine de terroriste, viens les irriter jusqu'à plus d'heure. J'mets la vérité à poil, j'fais des attentats à la pudeur. J'pars choc en écran, j'véhicule mes idées sans frein. J'fais des films pour aveugles. Où on meurt pas à la fin, je viens pas sauver la veuve, l'orphelin de la poudre sans le parfum. Je passe aux aveux sur un gros son, la loi en enfreint. Hey, je pars choc à l'écran, je véhicule mes idées sans frein. Je fais des films pour aveugles où on meurt pas à la fin. Je viens pas sauver la veuve, l'orphelin de la poudre sans le parfum. J'avais du mal à cracher ma frustration, maintenant j'ai un flingue. Je vais venger mon épiderme, loin des MC qui supplie. Ma patate vient de gorer en passant par le Mississippi. Moi j'ai le cœur, c'est un moteur Panamera. Et je rejoue la fin de Scarface à jeun avec de meilleures caméras. De la jungle comme Malcolm, je repère les fauves déguisés. Ma haine est née sous X, retour aux pyramides déguisées. Mes soucis bluffent, trop de pression dans la salle. Ils versent l'essence de Guerlain sur le brasier des tensions raciales. Ça commence à faire loin, je vois toujours pas la terre promise. On est toujours esclaves, dis-le au monde, je m'occupe des frères, des homies. Dans mes phases, une France qui s'embrasse, se dessine un troisième doigt pointé. C'est mon blase en langage des signes. Je m'engage du bout des lèvres, ma destinée, je dois piloter. Je suis un leader qui refuse de prendre ses responsabilités. J'ai la sensibilité d'une gâchette, mes blessures ont du style. Les guerriers sur son HS, le désespoir c'est incombustible. Et si les IBG se font shoot dans les cigognes, vu qu'on préfère les mensonges qui rassurent aux vérités qui cognent. Quand les traders spéculent en s'explosant la cloison nasale, on encule mon intelligence en exposant le poison de Chazal. Je pars choc en écran, je véhicule mes idées sans frein. Je fais des films pour aveugles où on meurt pas à la fin. Je viens pas sauver la veuve, l'orphelin de la poudre sans le parfum. Je passe aux aveux sur un gros son, la loi en enfreint. Hey, je pars choc en écran, je véhicule mes idées sans frein. Je fais des films pour aveugles où on meurt pas à la fin. Je viens pas sauver la veuve, l'orphelin de la poudre sans le parfum. J'avais du mal à cracher ma frustration, maintenant j'ai un flingue. J'avais rancœur avec l'histoire, mais cette pute est pas venue. Donc laisse-moi faire mon réquisitoire à la gloire des avenues. La guerre c'est un art et la victoire une science. C'est le max, c'est le diable, le logo d'Apple. C'est le fruit défendu de l'arbre de la connaissance. Les calaches à bois, leur race, le fourgon passe autour d'un bourbon. Ils tracent le nouvel ordre avec l'équerre et le compas. Les chiens de la casse sont trop tendus. Cherche le messie, sache que les négros pendus ont tous quelque chose de Tennessee. Des pros, un calibre, t'as besoin d'ennemis comme moi. J'suis pas un rappeur conscient libre, j'suis raide, j'rappe dans un semi-coma. Qui dit rien qu'on sent, regarde aux marques, j'devrais les prévenir, être sincère dans le faux, et être mort pour de vrai. Shoot de près, pas à terre, pas de blessure superficielle. J'donne la matière pour ma biographie non officielle. Avec la rue, j'ai des atomes crochus, donc du mal à rester droit. On apprend de nos défaites et de nos chutes. La réussite est une pute vertueuse qui baisse quand ça lui chante. La vie est une tueuse à la silhouette alléchante. Perdu sur l'échiquier, on monte pas au top sans les bases. On peut tout faire avec un chéquier, sauf stopper les balles. J'pars choc en écran, j'véhicule mes idées sans frein. J'fais des films pour aveugles où on meurt pas à la fin. J'viens pas sauver la veuve, l'orphelin de la poudre sans le parfum. J'passe aux aveux sur un gros son, la loi en enfreint. Hey, j'pars choc en écran, j'véhicule mes idées sans frein. J'fais des films pour aveugles où on meurt pas à la fin. J'viens pas sauver la veuve, l'orphelin de la poudre sans le parfum. J'avais du mal à cracher ma frustration, maintenant j'ai un flingue. J'ai retrouvé une flingue à Renault, la violence m'a prouvé. J'ai retrouvé une flingue à Renault, la violence m'a prouvé.